percussive maintenance, ton téléphone. Ouais. Oui, c'est ça. Super. Réparation par percussion. Par percussion. Qu'est-ce que c'est la tonsuréphobie? Tonsuréphobie ou tonsuréphobie, je sais pas. Tonsuréphobie. Tonsuré. OK. Le gars est tonsuréphobie. Ton sourire, non? Ben là, j'hésitais un peu. Un peu entre un mélange de tondeuse avec un bonbon sûr. Fait que ça, c'est quand t'as peur de passer la tondeuse avec... quelque chose de sûr dans la bouche. Puis l'avaler, puis là, soudainement, tout ton ventre devient sûr. Ouais. C'est la peur des coupes de cheveux, ton surphobie. La peur des coupes de mais cheveux. Mais c'est pas loin, tondeuse. Pas loin, quand même. C'est rare qu'il y ait un mot en commun avec la vérité. Uh-huh. Pour ceux qui sont fans de drôles de fêtes, en date du 4 octobre dernier, c'était la journée nationale du taco. OK. Et la journée nationale de la vodka. De la vodka. Votre repas était prêt. Les deux journées, la même? C'était, oui, la même journée. Ouais, la fameuse journée taco et vodka. Il y a, oui, il y a trop de fêtes qu'il faut qu'ils en partagent. Ouais, le jour, burger, le... tout. Et avant ça, le 3 octobre dernier, c'était la journée nationale de l'appréciation des virus. Ah, de l'appréciation. L'appréciation des virus, comme sur l'ordinateur du co-animateur, des fois quand il y a des pop-up qui ouvrent pour rien. Ouais. Et que le réseau marche pas. Et la chronique est finie, on est content. Voilà. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je connais la petite trame des comédies d'Alex. Bienvenue, Alexandra Gagnon. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Cette semaine, je vous parle d'un coup de cœur que j'ai eu. En fait, je me disais, je vais voir qu'est-ce qui se fait de comédie musicale. Et j'ai tombé sur vraiment une révélation pour moi. Fait que t'as découvert ça, quoi, depuis la semaine dernière? La semaine dernière. Wow. En fait, la même journée que mardi dernier, j'ai... En fait, ce que je fais souvent, là, c'est que je vais voir un vidéo des Tony, parce que chaque année, ils présentent toutes les comédies musicales qui sont en lice pour la meilleure comédie musicale. Et j'ai comme, je me suis clenché là, une coupe de spectacles. De numéros. D'extraits. Et là, celle-là m'a vraiment étonnée. Premièrement, parce que je connaissais les acteurs qui étaient dedans. Mais en fait, c'était parce que ils n'étaient pas connus à l'époque. OK. Alors là, je parle de Lea Mitchell, qui joue maintenant dans Glee, qui est la personnage principale, en fait. Oui, mais c'est ça. Il y avait des faces, quand tu m'as montré le petit extrait, il y a des faces qui me disaient de quoi. J'écoute ouais. pas vraiment Glee. Donc, mais, récemment, là, elle a fait beaucoup plus les journaux parce que son copain est mort d'une overdose. OK. Ouais, Corey Monte, qui en fait jouait aussi dans Glee. Il était un couple dans Glee et ils sont devenus un couple dans la vraie vie. Okay. Mais c'est ça, récemment, c'est ça, il est décédé d'une overdose. Donc, elle a fait un petit peu plus les manchettes parce que c'était son copain. Mais c'est quand même, elle est très, très, très populaire. C'est le personnage principal de la télésérie Glee. Aussi, Jonathan Groff, qui est en fait le gars principal, un peu ténébreux, cute, là, qui va finir en fait avec la... Le rebelle. En fait, qui est censé finir avec elle, mais en tout cas. Okay. Le rebelle. Qui lui aussi joue dans Glee. Okay. Donc, lui va faire un personnage qui n'est pas récurrent, qui va seulement être là dans la deuxième saison, mais on le connaît parce qu'il va y avoir une histoire d'amour, là, et ainsi de suite. Et aussi, Skylar Astin, qui, dans l'extrait vidéo que je vais mettre sur le site, a des drôles de cheveux avec des drôles de lunettes et parle de sa professeure de piano qui a une bonne paire de seins. En fait, Skylar Astin, c'est le gars principal dans Pitch Perfect, qui a été un film qui a eu un grand succès l'année dernière, un film d'acapella, en fait, de concours okay. d'acapella. Alors, c'était le gars principal, tout le monde le connaît à Star, les jeunes filles, là. Ces trois acteurs-là, avant d'être connus, avant de faire la biographie que je vous ai présentée, ont joué dans la comédie musicale Spring Awakening. Spring Awakening, c'est une comédie musicale que j'ai tellement aimé. Écoutez, à la base, en fait, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite en 1881 par Frank Wedekind, qui est en fait un Allemand. Et elle a été bannie en Allemagne lorsqu'elle a été composée pendant plus d'un siècle. Donc, ça a pris 100 ans avant qu'on se décide de... ressortir le texte. C'est ça, de ressortir le texte. C'est en 1914, soit 30 ans plus tard, qu'on va la faire la première représentation, et ça va être à New York, de la pièce de théâtre. On ne parle pas de la comédie musicale, c'est vraiment la pièce de théâtre. C'est ce que je voulais te poser comme ça. À la base, c'était une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, exactement. Et c'est en fait en 2006 que Steven Satter et Duncan Sheik vont sortir cette pièce-là. Ils vont dire, il y a tellement matière à faire une comédie musicale. En fait, pourquoi elle va être bannie, c'est qu'elle parle de sujets qui sont très précaires. En fait, surtout pour l'époque. Surtout pour l'époque. Et là, on se remet encore aujourd'hui. Oh, oui, oui, même aujourd'hui. Écoutez, en 1881, là, cette pièce de théâtre-là parle vraiment de la découverte de la sexualité chez les adolescents. Donc, masturbation, avortement, homosexualité, viol, suicide. Et là, on parle d'homosexualité, là. En ce moment, c'est pas accepté nulle part. Oh oui. Alors, imaginez en 1881. Alors, déjà, c'est une pièce qui est avant-gardiste et ils ont décidé d'en faire une comédie musicale. Et c'est... quand on pense à une comédie musicale, on peut penser à quelque chose de très jovial, qui finit tout le temps bien. Un peu comme How to Succeed in Business Without Really Trying, que j'ai présenté voilà deux semaines. Tu sais, c'est très... tout le monde danse, tout le monde chante, ça finit bien. On est heureux. Spring Awakening, c'est pas du tout ça. C'est un nouveau genre de comédie musicale où est-ce qu'on prend une histoire, on la met en comédie musicale, mais on pourrait plus appeler ça un drame musical. Parce qu'en fait, ça met en jeu l'histoire. Mais en fait, c'est l'histoire de Wendla et Melchior. Wendla, qui est une jeune fille et qui, en fait, la comédie commence avec elle qui dit à sa mère comment est-ce qu'on fait des bébés. C'est aussi simple que ça. Elle est adolescente, mais elle ne sait pas comment on fait ça. Ben, c'est sûr, comme on dit, si on se remet en 1881, ouais, Internet n'était pas là, puis il y a bien des choses qui n'étaient pas là. Exactement. Et elle était un peu fâchée de sa mère de dire à quel point on ne parle pas de la sexualité et qu'on enfouit ça et que c'est pas du tout un sujet qu'on parle. On parle pas de ça. Alors, déjà avec la maman, Mama Who Bored Me, qui est la chanson principale. Et là, en fait, elle va se rendre compte qu'elle aime beaucoup Melchior. Melchior, qui est un jeune rebelle. Donc, lui, il va au séminaire, mais il est tanné de toujours se faire mener par la religion, veut changer. Donc, c'est le petit révolutionnaire. Et son meilleur ami, Moritz, qui d'ailleurs va être un personnage assez important. Moritz, lui, c'est complètement le contraire. Il est très insécure. Lui, on dit... Le triangle amoureux, là. Pas du tout, pas triangle amoureux. Morris, lui, en fait, c'est que c'est le meilleur ami de Melchior, mais il est très timide, contrairement à Melchior qui, lui, va écrire des journaux érotiques, va justement parler de sa sexualité, puis va montrer que c'est important de la vivre. Okay. Tandis que Morris, là, mais on n'est pas censé faire ça, ça le gêne. Il va avoir un rêve érotique et ça le gêne extrêmement. Et en fait, il va tellement être... pris, qui va finir par se suicider dans la pièce. Okay. Donc, c'est assez, assez intense. Lui va tomber en amour avec une prostituée qui, en fait, s'est faite violer par son père. Donc, on voit là que c'est pas évident. Là. En fait, elle est devenue prostituée parce qu'elle s'est faite violer par son père. Et c'était la meilleure amie d'enfance de Moritz. Donc, c'est pour ça qu'il va essayer de... Mais finalement, ça va mal finir. T'as Enshen qui, lui, va être... Il est en amour avec un de ses collègues. Donc, là, on voit homosexualité. Lui est très beau garçon, charmeur, et va entraîner celui sur qui... en fait, qu'il aime, dans le vice, ben pas dans le vice, là, mais dans l'homosexualité qui, à l'époque, complètement... illégal même, là. Exactement. Et on a Martha aussi qui, elle, se fait battre par son père, ne sait pas trop comment le faire. T'as Grégor qui, justement, tripe sur sa professeure de piano. Alors, t'as vraiment... Il y a vraiment plusieurs histoires. Et finalement, Wanda et Melchior qui vont coucher ensemble. Et Wanda va tomber enceinte. Et va être, en fait, va être très furieuse contre sa mère parce que sa mère a dit, oh voyons, mais elle dit, maman, tu m'as pas expliqué. Je savais pas qu'en faisant ça, j'allais tomber enceinte. Ça donnerait ça, exactement. Puis finalement, en fait, là, je vous compte l'histoire parce que c'est important de connaître le contexte. Finalement, en fait, Wendla va aller se faire avorter, mais il va y avoir des complications et elle va décéder. Et en fait, c'est qu'on va beaucoup... Aussi, Melchior ne pourra pas aller voir Wendla parce que il va se faire mettre en maison de réforme exactement, genre, parce qu'on le met, on pense que c'est lui qui a poussé Moritz au suicide. Okay. Donc, c'est vraiment une histoire qui est très, très lourde, mais qui, avec les chansons ne rendent pas ça très lourd. C'est beaucoup plus humain, en fait. C'est une comédie musicale qui présente des problèmes d'adolescents de l'époque, qui sont encore aujourd'hui. Hein, quand on parle de tomber enceinte, de grossesse précaire, d'avortement, d'homosexualité, c'est quelque chose... C'est ça, de suicide, etc. De suicide, c'est des sujets qui sont actuels. Même si c'est une pièce qui est créée en 1891, c'est quelque chose qu'on peut sentir encore. Une très belle pièce. Elle a gagné 8 Tony Awards en 2006. Et là, on parle de... C'est le meilleur musical de l'année 2006. Le meilleur rôle, le second rôle, celui qui faisait Moritz, okay. C'est lui qui va l'avoir. On a le meilleur book, le meilleur score, la meilleure lumière, la meilleure direction, orchestration et chorégraphie. Alors, on voit vraiment là, que ça l'a... Et ça bouge, j'ai vu les extraits que tu m'as donnés, ça fait presque, tu sais, des émissions justement de danse, là. Oui. C'est assez... ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, beaucoup, vraiment très actif, puis que ça fait danse moderne quand même, vraiment. Oui, là. Parce qu'à un segment, en fait, à la fin, à la chanson, parce que les chansons disent aussi, là, « Totally fucked », c'est la pièce 15, là, vers la fin, quand on l'accuse justement d'être celui qui a poussé Moritz. Mais tout ça se passe en 1881. Tout ça, les chansons, en fait, parle parfois, tu sais, she doesn't return my call. Okay. Fait que là, tu fais, ah, ben là, il y a le téléphone, okay. I put my stereo on. Donc, c'est, les paroles vont compter l'histoire, vont être actualisées un petit peu, okay. Mais les vêtements sont faits un petit peu. L'esthétique, un peu d'époque. Début 20e siècle, peut-être okay. Plus, mais ça se passe à l'époque, et c'est justement très. Ça bouge beaucoup. Et en fait, Totally Fucked, il y a une belle chorégraphie avec ça. Très moderne aussi. Quand on regarde la vidéo, j'ai regardé 2 millions de fois tellement je le trouvais bon, que je vais mettre sur le dîner de cons. On voit qu'à la fin, ils font des espèces de gestes un peu modernes, justement, mais ça cadre très bien dans ça, dans l'espèce de... Parce que ce sont des jeunes qui veulent crier, qui veulent se faire entendre. Et d'ailleurs, je vais aller vous faire entendre un premier extrait qui est The Bitch of Living. Pour vous mettre en contexte, en fait, The Bitch of Living se passe au début de la comédie musicale. C'est lorsque les garçons parlent de leurs fantasmes et du fait de... Au début, t'as Moritz qui fait... J'ai fait un rêve érotique en ce moment. Je suis vraiment troublée. Et t'as tous les garçons qui font... Ben, c'est l'âge ingrat ou est-ce que... On a des pulsions sexuelles, mais qu'on ne peut pas les concrétiser. Mmh. Exactement. Donc, c'est la chanson « The Bitch of Living ». On écoute ça tout de suite. God, I dreamed there was an angel who could hear me through the wall. As I cried out like in Latin, this is so not life at all. Help me out of this nightmare, and I heard her silver call. She said, just give it time, kid, I come to one and all. She said, give me that hand, please, and the itch you can't control. Let me teach you how to handle all the sadness in your soul. Oh, we'll work that silver magic, then we'll aim it at the wall. She said, love may make you blind, kid, but I wouldn't mind at all. It's the bitch of living, bitch, just the bitch, nothing but your hand, just the bitch, yeah, just the bitch of living, is someone you can't stand. Each night it's like fantastic, tossing, turning without rest, 'cause my days at the piano with my teacher and her breasts, and the music's like the one thing I can even get it all. And those breasts, I mean, God, please just let those apples fall. It's the bitch of living, bitch. Ah, with nothing going on, nothing going on. Just the bitch of living, asking what went wrong. Do they think we want this? Oh, who knows? See the shattering at gym class. Bobby Mailer, he's the best. Looks so nasty in those khakis. Got my whole life like some test. Then there's Mariana Wheeling, as if she'd return my call. It's like just kiss some ass, man, then you can screw him all. Oh. It's the bitch of living, living in your head, in your head. It's the bitch of living, and since think God is dead. It's the best I'm living. You watch me, just watch me. I'm trying to get ahead. I'm calling you on. It's the best I'm living. Just getting out of bed. It's the best I'm living. Living, living. Will and getting what you get. Just the best of living. And knowing this is it. God is this. This can't be it. Oh God, what a bitch. Alors, c'était The Bitch of Living de la comédie musicale Spring Awakening. On peut déjà entendre là, le rock qu'il y a dans la chanson. C'est pas de l'orchestration, comme tu le mentionnais. Là. C'est un band en arrière. Ça rock beaucoup. Et en fait, si cette chanson-là passait à la radio, on pourrait berner plusieurs. Oui, c'est ça. Ça ressemble à des trucs qu'on reçoit en rock canadien alternatif, ouais, ou américain. Là, léger, mais rock quand même. Et puis l'orchestre, ça n'a pas l'air d'être justement la comédie musicale là, qu'on est habitué d'entendre. Vraiment. Puis l'orchestration, c'est ça. C'est exactement une orchestration rock. Là, un band. Oui, c'est ça exactement. C'est ce qu'ils veulent faire en fait. C'est que c'est une comédie musicale sur les jeunes. Tantôt, tu as dit opéra rock. Opéra rock. J'aime, oui, c'est ça, ça, moi. Parce que c'est sûr que le comédie musicale, c'est un terme at large. Oui, c'est très large. Mais plus, ça, c'est. Tu sais, Dracula, là, c'est pas un opéra rock, là. Qu'est-ce que c'est une comédie, ouais, musicale? Ça, c'est plus un opéra rock. Ben, le thème est rock aussi. Oui. Tu sais, le rock, la souffrance et puis le quotidien. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de cute est... là-dedans. Oh, ouais, exactement. Ben, c'est sûr que ça finit comme sur une note d'espoir. Là. Ben, il faut bien. Mais c'est ça. Tu sais, ça parle quand même de ça. Puis, en fait, le deuxième extrait... Parce que je te, oui, coupe, tu me disais que c'est allemand, hein, à la base. À la base, c'est une pièce allemande. OK. Puis ouais, les gars qui l'ont repris la première fois, des Américains. C'est, okay, des Américains. Ouais, okay. En fait, oui, oui. La, okay, première fois qu'on va le présenter la pièce de théâtre, c'est en 1914 à New York. Et c'est des Américains qui vont écrire aussi, okay, la comédie musicale là, qui va sortir en 2006. Donc, c'est quand même assez récent. C'est pas des années 90 du tout. Là. Et en fait, justement, on avait écouté une partie un peu plus rock. C'est pas tout rock tout, okay, long. D'ailleurs, on va aller écouter Touch Me. Et pour vous mettre en contexte encore une fois, c'est un peu une suite un peu de Bitch of Living. C'est que de Bitch of Living, on présente le fait qu'on peut rien faire. Mais t'as Melchior qui va dire... Mais écoute, on peut quand même essayer de s'imaginer ça. Et vous allez voir, on dirait que c'est une toune d'amour. Mais en fait, la chanson, c'est tous les gars en solo qui ont comme les yeux fermés et qui, justement, sont dans leur rêve et vivent leur rêve. Okay. Et là-dedans, il y a Moritz qui, au milieu de la chanson, va partir parce qu'il n'est pas, il est pas bien avec, okay, ça du tout, du tout. Donc, on va aller écouter « Touch Me ». Where I go, when I go there, no more memory anymore. Only men on distant ships, the women with them, swimming with them to shore. Where I go, when I go there, no more whispering anymore. Only hymns upon your lips, a mystic wisdom rising with them to shore. Touch me, just like that. And that, oh yeah, now that's heaven. That like, God, that's so nice. I love it down where the things lie. Still, you must admit, with the two anatomies, it truly is daunting. I mean, how everything might measure up. Not that I'm saying I wouldn't want to not, whatever, not want to. Moritz? I have to go. Moritz, wait. Ah,

connard de patron avec sa moustache super moche, où elle est pas mal foutue quand même, cette secrétaire. Hein? Donc, essayez de vous changer les idées pour passer une meilleure journée après une nuit blanche. Sinon, prendre l'air. Oui, ça peut être bien important. Une petite balade au parc ou dans la cour à l'entrée de l'usine ou de l'école, hein? Ça peut faire du bien. Vraiment. Prendre de l'air. Sinon, boire régulièrement dans la journée aussi, hein, et surtout, pas d'alcool, s'il vous plaît. Boire de l'eau, beaucoup d'eau, mais pas seulement boire, parce que sinon, on se sent pas bien. Si on boit trop d'eau, on file pas mieux. En sixième position, discuter. Ne pas rester seul à geeker devant l'ordinateur. Hein. Le mieux, c'est, si vous êtes au boulot, c'est de vous motiver à une tâche précise pour ne plus penser qu'à votre mal de tête et à votre lit. Donc, discuter, s'occuper, bien important. Surtout, ne pas dormir en pleine journée et éviter de vous coucher à 16 heures ou en pleine journée. Si vous êtes en semaine, ça va vous scraper votre rythme et vous serez bien emmerdé, quoique vous toujours utilisez le top 10 des choses à faire quand tout le monde dort. Hein, bien sûr. Le mieux, c'est que c'est se coucher plutôt qu'à l'heure accoutumée, mais pas trop tôt. T'sais, si vous avez dormi vraiment, vous avez manqué de sommeil, pas arriver à la maison et finalement, tout de suite, se coucher, faire un petit peu comme notre train-train quotidien et ensuite aller se coucher. On dit aussi un bon grand café le matin et c'est tout. Pas besoin de se gaver de caféine toute la journée. Une grande tasse le matin vous tiendra toute la journée. Vous serez bien sûr pas nécessairement en forme olympique, mais au moins vous n'aurez pas envie de dormir pendant toutes ces longues heures de cette journée qui vous séparent de votre lit. On dit en troisième position, manger régulièrement et en petite quantité. Un bon petit déjeuner, ça va. Une collation vers 10 heures du matin. Puis le repas à midi. Un goûter vers 16 heures. Et en plus, ça devrait être bien. L'essentiel, c'est de ne pas manger beaucoup, mais juste d'avoir quelque chose dans le ventre pour tenir le coup. Faut pas avoir la ventre tout plein, mais pas vide non plus. En deuxième position, pour tenir après une nuit blanche, eh bien, écoutez des morceaux qui donne la patate, qui met en forme. Hein. Après la douche ou même pendant, un morceau musical qui a du pep ou simplement qui nous plaît. Hein. Ça peut être important pour nous aider à survivre à cette journée. Et sinon, ben, on vient de le dire tantôt, l'important vraiment quand on se lève après une nuit blanche et ou qu'on se lève pas, mais c'est de prendre une bonne douche. Ça réveille, ça fait du bien, et puis ça nous, ça nous stimule un peu, hein. Et puis le changement de température, ça va travailler notre cerveau un petit peu. Ici, on se fait un autre top 10, et là, ben oui, messieurs, je vous entends déjà, vous me connaissez. C'est le top 10 les 10 bonnes raisons pour les femmes, bien sûr, d'avoir de gros seins. Hein? Et ben oui, c'est tellement niaiseux. On y va comme ça avec la 10e position. On peut très vite être belle en robe quand on a des gros seins. Hein? Les filles à petits seins, des fois, aimeraient avoir le décolleté. On n'a pas la grosse craque et tout le kit. Eh bien, une fille avec des gros seins, c'est l'assurance de pouvoir facilement se mettre en valeur. Et on nous dit, et on ne va pas mentir, ça joue énormément. OK. 9e raison, qui est bonne raison d'avoir des gros seins, c'est que vos chaussures vont être sèches quand il pleut. Hein? Fallait y penser, mais c'est un atout conséquent. Certes, on a les seins trempés, mais c'est le prix à payer pour avoir les pieds secs. C'est vraiment niaiseux. Sinon, en 8e position, eh bien, ça file une excuse pour ne pas faire du sport. Hein? Parce que déjà, courir avec des bonnets E devant soi n'est pas une mince affaire. Et puis, parce que les sauts obstacles et le football, on s'en passerait volontiers. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous conseiller une brassière. C'est alors qu'il faut jouer la carte du mal de dos imparable. Eh bien oui. 7e position des bonnes raisons à avoir des gros seins. Et les gens n'ont aucun problème pour nous trouver des surnoms. Hein? Ça va du mignon au complètement ridicule, princesse gros lolo à bonnet E. Là, ça fait très français. Hein? Gros tété, bazooka, obus, sans compter ceux qu'on ne vous dit pas. Ceux qui se murmurent peut-être dans votre dos. Pas devant vous. Hein? Sinon, en 6e position, ce sont deux amis fidèles qui ne vous abandonneront jamais. Le matin, ils seront toujours là. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein? Et puis, on est condamné à passer notre vie avec eux, autant s'en faire des amis. Hein? En cinquième position, eh bien, on appartient à une grande fille, celle des filles à gros seins. Une grande famille, pardon. La connexion est instantanée en soirée, au bureau ou dans la rue. Il suffit d'un regard. Vous savez, elle sait. Vous savez qu'elle sait et elle sait que vous savez qu'elle sait. Pas besoin de mots. Nos seins communiquent déjà sur un autre plan astral. C'est vraiment cave. En quatrième position, eh bien, on devient une pro de la répartie. Parce qu'autant vous dire qu'entre les remarques des amis... dans la rue, des collègues et autres amis derrière, on devient des pros de la répartie agressive, ironique, efficace, faussement modeste, tout y passe. En troisième position, d'avoir des bonnes raisons, hein, d'avoir des gros seins, ça permet de briser facilement la glace en entreprise. Ça se passe bien, ton nouveau job? Oui, vraiment, très bien, mes collègues m'ont enfin parlé de mes seins. On est tous beaucoup plus détendus maintenant. OK. En deuxième position, et on peut y accueillir aussi la tête de son copain. Il vous l'a sûrement dit, vos seins sont le meilleur oreiller possible. D'ailleurs, il n'y a pas que les mecs qui s'y sentent bien. On le sait. Et en première position, on peut poser des tas de choses déçues. On oublie trop souvent le côté pratique d'avoir une poitrine généreuse. Allogée dans son lit, eh bien, on peut y poser son livre, son téléphone, sa tasse à café. C'est comme si on avait une petite table basse à portée de buste. Et c'est sacrément pratique, sacrément pratique. C'est cave, c'est drôle, mais c'est inutile. C'est tout à fait le dîner de cons. On va se faire encore quelques petites nouvelles avant de se lâcher en musique. Et d'accueillir, bien sûr, les filles pour 13 heures, les princesses ridicules. On va aller vers quelque chose d'un peu plus, en tout cas, un peu plus profond, même si ce ne l'est pas. On va aller parler d'archéologie, d'histoire plutôt. C'est les Vikings. Ils auraient été plus sociables et moins sauvages qu'on ne le pensait. Hein, parce que souvent, on les voit vraiment comme des grosses brutes. Allô, mon ordi répond plus. C'est ce que ça répond? Est-ce que ça répond? On y va. On va essayer. Bon, qu'on y va comme ça. Hey, ça se peut pas, là, les pop-up qui revolent. Donc, ça pourrait être la fin d'un mythe, celui de la barbarie et de la sauvagerie des Vikings. Grâce à l'étude d'un ancien manuscrit islandais, les scientifiques Padraig McCarron et Ralph Kenna ont pu analyser en détail des relations qui réagissaient des sociétés Vikings. Il semblerait donc que ces derniers n'étaient pas si sauvages, mais plutôt assez sociables et avec une hiérarchie bien établie. Pour en arriver là, eh bien, les deux chercheurs ont étudié de près ce texte viking vieux de 1000 ans et connu sous le nom de la saga des Islandais. Grâce à une méthode basée sur les statistiques et les réseaux sociaux, ils ont pu établir une sorte de carte des relations sociales entre les personnages du texte. Bien évidemment, la saga des Islandais est un ensemble de textes de littérature médiévale et sa précision historique est souvent critiquée. Néanmoins, de nombreux historiens estiment que la majorité des faits rapportés ne sont qu'une distorsion légère de la réalité qui réagissait ces sociétés locales. Avec la méthode, Padraig McCarron et Ralph Kenna ont donc réussi à cartographier les relations sociales reliant à plus de 1500 personnages apparaissant dans 18 sagas, y compris 5 histoires particulièrement connues. Ils ont ainsi découvert que les sagas familiales islandaises étaient assez différentes de celles décrites en Europe, mais bien moins primitives et brutales qu'ils le pensaient et qu'on le montre dans tous les films et toutes les histoires du genre. La société islandaise, en général, possédait en fait de véritables réseaux sociaux. De plus, elle possédait une structure bien différente de celles décrites dans de nombreuses œuvres littéraires inspirées de la culture nordique, notamment dans Le Seigneur des Anneaux. Cette analyse quantitative est très différente des approches traditionnelles comparatives des textes anciens. Ces dernières se concentrent plus sur les aspects qualitatifs, explique le professeur Ralph Kenna, qui a été repris par le Science Daily. Les deux scientifiques ont privilégié l'étude des interactions plutôt que celle des individus et des événements, une technique qui apporte de nouveaux points de vue, comme par exemple celui estimant que les sociétés islandaises possédaient des aspects similaires à ceux des réseaux sociaux actuels. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait longtemps que j'en parle et on n'en a pas vraiment ajouté, mais il y a la Silk Road. Donc, c'est la fin de Silk Road qui était un site de e-traffic de drogue. Donc, l'histoire du e-traffic de drogue en ligne continue de s'écrire avec cette semaine l'arrestation aux États-Unis par le FBI du présumé gestionnaire du site Silk Road, surnommé l'Amazon des drogues, où chacun pouvait commander héroïne, molécules interdites ou champignons hallucinogènes par la poste avec un service client réputé excellent. Le Guardian, en particulier, consacre des dossiers spéciaux à tous les angles et toutes les implications de l'affaire qui illustrent le choc frontal entre un monde de e-drogue, de drogue illicite par Internet, supposé plus propre et civilisé que les gangs du monde réel, et les polices qui commencent lentement, comme le FBI et la DEA, à étendre leur autorité sur ce nouveau type de consommation. Le fondateur du site Silk Road, Ross Ulbricht, pardon, est un diplômé en physique de l'Université du Texas de 29 ans avec des vérités humanitaires et libertaires. Sous le pseudo Dread Pirate Roberts, allusion au film La Princesse Bride, il a révolutionné le marché de la drogue grâce à une clientèle urbaine connectée, sachant manier les logiciels d'anonymisation, possédant de l'argent virtuel intraçable, les bitcoins, et ne souhaitant pas fréquenter de près le monde interlope des dealers. Le site Silk Road vendait donc de la drogue, stipulait dans ses conditions d'usateur qu'il était interdit d'échanger toute chose pouvant blesser ou voler, comme des cartes de crédit volées ou des armes de destruction massive. Son animateur en chef aurait accumulé 80 millions de dollars en commission et avait un profil sur LinkedIn où il se disait entrepreneur et banquier d'investissement. Cela n'a pas empêché de commettre d'énormes faux pas qui ont fini par conduire à son arrestation. C'est un colis livré à son domicile qui aurait permis au FBI de retrouver et de l'arrêter à San Francisco, mais il a beaucoup de facilité. Le gars a lui-même facilité la tâche aux enquêteurs en oubliant la prudence élémentaire en ligne. Ulbricht avait un compte sur LinkedIn et il a utilisé de faux papiers avec une vraie photo de lui pour acheter donc des serveurs pour son entreprise. Il posait des questions sur un forum de développeurs et sous son vrai nom avec son adresse Gmail attachée. Il n'a pas hésité non plus à demander à la cantonade sur Google+ si quelqu'un avait un contact chez DHL ou chez Federal Express. Et enfin, selon la déposition du FBI, il aurait été en contact avec un tueur à gages, également un agent du FBI. Toujours en ligne pour éliminer physiquement un ancien employé qui menaçait de faire quelques révélations. Donc, ça continue comme ça. C'est assez particulier. Hein? NPR propose son portrait, donc, ainsi qu'une vidéo de lui sur sa vie personnelle et ses convictions. Malgré la fortune accumulée, elle vivait très simplement en partageant un appartement avec deux personnes. Quand même, le gars, il avait 80 millions de dollars, c'est ça qu'il a dit. Donc, pas mal de voix dans le monde libertaire de la tech se demandent maintenant s'il n'y avait pas aussi avec Silk Road une possibilité de rendre plus propre l'échange de drogue loin des guerres et du sang des cartels. On nous dit que c'est la monnaie virtuelle, le Bitcoin, qui était également dans la ligne de mire actuellement. Ces fluctuations de valeur semblent, à la lumière de l'enquête, très liées au dark net, le net des méfias ou des produits illicites. Le site de Genesis Block s'est livré à une enquête approfondie au cours des Bitcoins depuis le 2011. Graphique à l'appui pour démontrer que tout incident ou déclaration ou article sur le réseau Silk Road et le marché des drogues en ligne avait eu un impact sur la course de cette monnaie. Mais donc, et surtout sous surveillance, le logiciel Tor, qui permet de surfer de façon anonyme. Il est non seulement utilisé par les activistes et les opposants du régime dur ou les internautes allemands très soucieux de leur vie privée, mais également inévitablement par les mafieux. Diverses tentatives du FBI pour craquer ce logiciel ou découvrir la véritable identité des utilisateurs ont été recensées ces dernières semaines et la charge des autorités provoque l'inquiétude de tous ceux que la surveillance de la NSA a poussé vers la prudence et des logiciels de cryptage et ou de protection contre la surveillance. Pour en savoir plus sur le Bitcoin, eh bien, informez-vous sur Internet, allez voir ça et puis écrivez... Silk Road dans Google. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Vous allez voir, c'est quand même un monde fascinant, même si interlope, qu'on pourrait dire. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. J'ai tout le temps des petits coups de micro d'en face. Ouais, hein? T'aimes ça par contre. Ouais. Tu fais ça parce que t'aimes ça. Tous les matins. C'est pour ça qu'on se lève le matin aussitôt pour venir animer parce qu'on aime ça, sacrer des coups de micro d'en face. Oui. C'est mieux que l'alternative qui serait de recevoir d'autres coups de quelque chose dans le lit. Ouais, c'est ça. Je sais pas où je m'en vais avec ça vraiment. Hein? Ben, moi je le sais, oui. Je veux pas vraiment que t'ailles par là. Non, c'est ça. Ah, ben, tu sais, ça va autant plus d'un bord que de l'autre. Hein, ouais. Je parle de. Là, ça n'a plus de sens de dire ça. C'est les gags. Oui, c'est ça. Tu vois qu'on n'est pas des improvisateurs, hein? Mm-hmm. Donc, voici la chronique de la huître. Ah, ah, ah, ah, yeah, yeah.

Moi, j'adore ce moment-là parce que c'est le seul moment où la 40 entre l'Assomption et Trois-Rivières n'est pas d'une platitude à mourir. Parce qu'il y a des couleurs, il y a quelque chose qui se passe, puis il y a peut-être un orignal qui va surgir. C'est le seul moment où tu y crois vraiment quand tu vois la pancarte d'orignal. Et je sais pas, moi, l'automne, ça m'inspire. Fait que ce soir, ça se peut que je fasse juste des impros de Londres dans le 16e siècle et d'assassinats sombres. Et de moments un peu louches. Donc, vivez l'automne, aimez-la. C'était réussi, ça? Oui. C'est une aparté par Élodie Mongrain. On te remercie pour ça. Et on va profiter de cette fin entrevue un petit peu pour parler du match de ce soir qui a lieu à la Chasse Galerie à 19h30. Certainement. Ton équipe est là-dedans? Oui, avec les oranges de Vanessa Fortier. Oui. Et qui va gagner le match? Bien, clairement les bleus. Sûrement. Voilà. Quelle question! Donc, on s'attend évidemment à un paquet de revirements de situations loufoques et de loufoques Harry. C'est ça, j'essaie de faire un genre de boule de foin, boule de foin, boule de foin. J'ai compris, mais je me suis dit que c'était une mauvaise idée. Ben, je te comprends, ça. Je te comprends. Il va aussi y avoir l'improvisation C'est fou, où on va présenter un extrait de l'adorable émission qu'on vient de vivre ce matin. Oui. Et les gens vont devoir improviser par rapport à ça. Ça va être difficile, comme toujours. On peut pas s'attendre à grand chose parce que pour vrai, c'est souvent un fait insolite. Oui, c'est souvent ça. Une petite parenthèse par rapport, c'est ce qu'on fait. Voilà. Juge-nous pas. Je ne vous juge pas du tout. Avec les yeux de même qui nous figent. On verra ce soir, en fait, en voyant l'extrait, si je vous si juge. Si on gagne. À ce moment-là, si les ça bleus, se peut que je vous juge. Si les bleus gagnent, l'impro c'est fou, c'est une bonne idée. C'est sinon, voilà. C'est vraiment une mauvaise idée. Il comprend vite, celui-là. C'est un petit fin finot. Donc, oui. Élodie Mongrain de l'équipe des Bleus, on te retrouve ce soir 19h30 à la Chasse Galerie. Et sinon, ben, dans à Voyeux. Pavillon d'éducation. Et voyons, ouais. Et voyons. Ben, merci. Ben, merci à vous. Puis bonne fin d'émission. Merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi, je connais une chanson. On se la toffe. Pour écœurer le au monde. Au complet, elle dure juste 4 minutes 40. Ah, bon, ben, parfait. Mais en fait, je pense que ça risque d'être meilleur que ce que je vais faire. Anyway. Donc, salut, Maxime Tanguay. Hey, salut. Ça va, hein? Toujours ça... aussi joyeux? Toujours. Joyeux enrhumé, mais joyeux toujours. OK. Ben oui, mais moi, j'ai entendu parler de toi un matin, puis tout le monde disait que t'étais sympathique sur le banc, et t'étais un gars à voir dans son équipe. Ben non, c'est parce que j'écoutais la fille Élodie ce matin. Oui, mon Dieu, je me demandais. Ben oui, j'aime ça. Pour les gens, je veux qu'ils écoutent C'est fou. Il y a des liens à faire si ben oui, t'écoutes C'est fou tout le temps. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, je suis quand même sympathique sur un banc. Ben pas juste sur un banc. T'es sympathique, c'est pour ça qu'on t'a ici. Oh, arrête-moi ça. On s'en va, salut. Tu vas me trouver moins sympathique après ce que je vais te présenter. Par parfait, ça. C'est la complexité du personnage. Ben oui, mais c'est ça. C'est mon côté obscur. Tu sais, c'est le côté qui fait graffiner Alexandra à la maison un peu. Là, sur les murs, partout, là, parce qu'elle n'aime pas vraiment que je mette cette musique-là forte. Là, mais... ben surtout qu'Alexandra, je la découvre tranquillement et puis elle aime bien les opéras. Oui. Les comédies musicales. En fait, Alexandra, ses goûts musicaux se résument en une chose et c'est légèreté. Elle aime ça, les choses sont quand même légères, tant musicalement parlant que... Donc, elle va aimer autant des chansons de country, pop, les comédies musicales aussi, des fois où il y a un petit rythme plus fun. C'est joyeux. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que peut-être, j'ai pas encore entendu, mais juste d'après ton préambule qui dit que ça fait mal et ça fait peur, mais peut-être qu'elle aime moins ce genre. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Là. Puis, écoute, anecdote rapide, là, pour débuter. Quand j'ai commencé à découvrir ce groupe-là... Qui est le titre? Cult of Luna. Okay. Cult of Luna, dans le fond, avec la pochette est très belle. Oui, moi, c'est très, honnêtement, très beau. Là, j'aime beaucoup la pochette. Ça représente énormément la musique, à mon avis, le cas dedans. Là, c'est très obscur. Et la deuxième pièce de l'album s'appelle Eye the Weapon. J'avais mon iPhone, puis je voulais l'écouter un peu sur les internets pour vraiment découvrir le groupe. Et je m'en ai dans mon bain à ce moment. Ben oui, c'est parti d'un anecdote, que voulez-vous. C'est bien. Et là, on se croise en porte de la salle de bain et la chanson part avant même que je me rende. Et ça part... Rough. Oui, puis là, elle me regarde vraiment, vraiment découragée. Puis elle fait, tu t'en vas pas écouter ça. pas dans le bain. Je fais, ben oui. Elle dit, ben là, ça va prendre un bain pour te détendre. Ben oui, chérie, mais ça me détend. C'est ça, hein, ce qui détend un, détend pas nécessairement l'autre. C'est exactement ça. Donc, bref, en fait, c'est je vais vous présenter le groupe, l'album Vertical de Cult of Luna, mais je vais surtout vous présenter un style aujourd'hui parce okay. que cet album-là m'a ouvert au style qu'on appelle le post-metal. Donc, qui est un peu le cousin lointain du post-rock, où le post-rock, c'est des chansons, des pièces très longues, vaporeuses, sans accroche, généralement instrumentales. Le post-metal, lui, c'est un peu dans ces gimmicks-là, encore une fois, mais il y a quand même une lourdeur qui est empruntée au métal. Du côté métal. Les chansons, généralement, ont tout le temps des paroles. Okay. On va avoir une voix, mais la voix est généralement plus black metal. T'sais. Okay. Fait que c'est un peu crier, gueuler, mais plus aigu. Okay. Non, plus aigu. Okay. Pas de gorge, là. Moins de gorge, ouais. Okay. Le black, c'est souvent du... Okay. Les affaires la même, là. C'est... Moi, personnellement, je trouve ça désagréable, mais le chanteur de Cult of Luna, quand même, a une voix... il est pas grave, il est pas aigu. Il y en a deux. Okay. Puis je trouve que ça passe bien. Mais par contre, c'est des chansons, des pièces qui vont être très longues et il y a très peu de voix, généralement. En moyenne. Là. Mettons, comme la chanson qu'on va entendre tout à l'heure, elle dure environ 10 minutes. Je suis désolé, Danny. Ah, là. Ça me dérange pas pantoute. Et il y a peut-être 2 minutes de voix là, dans toute la chanson. Ah, ouais, c'est parfait. C'est pareil à des moments. Donc, le style, donc, justement, post-metal, vont avoir des pièces très longues, plus ambiantes un peu. Ambiantes dans la mesure du possible niveau métal. On veut pas dire relax nécessairement, mais ambiante, c'est une ambiance. Il y a souvent des... Ça crée une atmosphère. Merci beaucoup. C'est très, très atmosphérique, le post-metal. Veux pas, c'est sûr que c'est heavy. Dans le sens, c'est très lourd, c'est stop. C'est ça, c'est pas des petits oiseaux qui chantent, là. Non, pas c'est du tout. Non, vraiment pas. mais dans le sens que quand on dit c'est ambiant, c'est que ça peut être ambiant sans. Des fois, l'ambiance, ça a l'air mort. Là. Oui, ça oui, effectivement. Rien, mais tu non. vois, je trouve qu'atmosphérique décrit mieux qu'ambiant. Tu as trouvé vraiment le bon terme. Parce qu'effectivement, il y a des moments qui vont être plus à la limite planants, là. Mais pas en majorité du temps. On te ramène sur Terre avec un coup de marteau. Oui, exactement. Oui, exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est beaucoup le son que le post-metal a. C'est que c'est distorsionné, mais c'est tout le temps un peu entre la distorsion puis la guitare clean. OK. Fait qu'ils jouent un peu avec ça. Il y a beaucoup d'éléments du shoegaze, justement, de ça. Le shoegaze qui est ce mouvement où il y avait tellement de distorsion puis il y a tellement de pédales d'effet. Ça devient comme un drone, là, quasiment. Quasiment, à limite, là, tu sais. Puis donc, il y a un peu des éléments à ça. Et c'est autant que le post-rock peut avoir des univers, des ambiances des fois très soit mélancoliques, joyeuses, tu sais, épiques, à la limite. Autant que le post-metal va surtout être dans des émotions peut-être plus négatives, plus dark, je veux dire, plus dark un peu. Fait qu'il y a beaucoup de rage ou de choses comme ça, mais c'est pas rapide comme musique. Okay. Ça reste quand même plus tranquille comme tempo, plus lent comme tempo. C'est pas des folles. Il y en a pas du tout, en fait. Non, c'est vraiment pas virtuosique. Tout ce qui est post, généralement, il n'y a pas vraiment de virtuose là-dedans. Ou s'il y en a, mais il ne démontre pas. C'est ce que j'aime beaucoup, la simplicité dans les instruments, que j'aime beaucoup dans ces styles. Et l'album Vertical, donc de Cult of Luna, qui est leur septième, si je me souviens bien, c'est un groupe qui a commencé c'est leur sixième album, pardon. C'est un groupe qui a commencé vers 98 à peu près. C'est le seul que je connais du groupe, c'est leur plus récent. Le reste, semble-t-il que leur troisième album, Salvation, semble-t-il que c'est l'album à entendre du groupe. Je ne l'ai toujours pas écouté. Puis là, en faisant ma recherche tantôt, j'ai fait « Ben, c'est bien écart, je vais aller l'écouter. » Mais il est paru en 2004, puis c'est un album qui a été coté là, très, très haut. Mais Vertical, donc, moi, l'effet qui me laissait cet album-là, c'est un album concept tout d'abord, inspiré du film Metropolis. OK. Des années 30. Fritz Lang, ça? Oui. Il me semble que c'est les années 30 à peu près. Et c'est beaucoup sur, justement, ce questionnement de jusqu'où va aller la société. La modernité. Puis, et c'est super la routine, etc. Là. Oui, et en fait, la chanson que je vais vous faire écouter, c'est exactement ça. C'est la routine. C'est il y a une vidéo amateur qui est sortie sur Internet, un clip amateur, dans le fond, non officiel, qui prend juste des extraits du film Metropolis. Et c'est incroyable comment c'est le ça match marche, parfait. Là. C'est parfait. Mais juste la pochette noire et blanche, ça oui, fait c'est comme une espèce d'ombrage de ville, on dirait. Ouais, là, ouais. Vraiment, non. Très là-dessus, très bon film, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu. Là, j'ai toujours voir. Pas vu non plus. Ah ouais, c'est fou. Oui, il paraît. Ouais, il paraît que c'est un peu, même à la limite, un peu troublant. Ouais, c'est dérangeant. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour l'année où ça a été fait, surtout. Là. Ouais. Et donc, l'album en tant que tel, Vertical, ça ne m'a pas fait tomber à terre. C'est un bon album, c'est intéressant. Ça m'a introduit justement au style post-metal. Après, je suis allé chercher d'autres groupes qui, tant qu'à moi, ont des albums en tant que tel plus forts. Mais il y a des chansons là-dessus que c'est tout simplement incroyable. Mais peut-être tu triperais justement sur leur album, de 2004, que tu ferais « aïe aïe, ça c'est peut-être ça ». Peut-être, effectivement. En fait, le commentaire que j'ai trouvé en écoutant l'album, tout d'abord, ça c'est super technique, mais je trouve ça niaiseux. Les pistes 6 et 7, les noms ont été inversés. Okay. Puis moi, je trouve ça niaiseux. Là. Longtemps pensé que une telle chanson, t'as ça, puis c'est, moi, je suis attaché au titre de chanson. Donc, Puis c'est important, la pochette, là, c'est la carte de visite. Ben oui, c'est ça. Il me semble que c'est pas dur d'avoir quelqu'un qui revise. Là. Non, c'est ça, exactement. C'est pire qu'une faute d'orthographe. Mais oui. Pas mal pire. C'est vraiment, oui. Puis imagine, ça, effectivement, niaiseux, mais bon. En même temps, c'est très minime, c'est peut-être même pas une erreur du groupe en tant que tel, c'est peut-être une erreur de la maison de production. Ouais. Ou de graphisme, exactement. Mais principalement graphisme. Oui, mais moi, en tout cas, si je fais faire ma pochette à quelque part, je vais la voir avant de dire oui, c'est ça. Passe sous la presse. Je suis d'accord. Mais bon, c'est tellement minime. Ça ne change rien, la musique qui est à l'intérieur. Mais le gros problème, je trouve, de cet album-là, c'est qu'on dirait qu'il y a certaines pièces que je trouve pas inutiles, mais on dirait qu'elles ont été forcées à être mises là. Okay. Y a deux ou trois chansons qui sont plus des interludes ou des transitions. Puis ça brise un peu le rythme, je trouve. C'est pas nécessairement bien placé. Exemple, je sais pas, entre deux tunes de 10 minutes, une tune d'une minute et exactement, demie, mais justement, les deux chansons qui sont inversées. T'as Mute Departure, qui est la sixième pièce. Ensuite, t'as Disharmonia, qui est comme une sorte de transition pour finalement venir une In Awe Of, qu'on va entendre. Mais Disharmonia, je comprends pas pourquoi elle est là nécessairement. Je pense que c'est un peu... Je ressens un peu que peut-être la malhabilité à vouloir faire un album concept et peut-être de quoi qui était mal fait là-dessus. Mais sinon, super intéressant comme album. Ça s'écoute bien, ça introduit très bien au style post-metal. C'est pas les plus extrêmes dans le style, fait que ça introduit très bien. Mais ce que tu disais, il y en a de plus en plus, ça, des genres quand les bands font des longues pièces, des genres d'intermèdes, on voit ça sur les bands québécois aussi. Oui. S'il y a un mouvement là-dessus, on dirait qu'on aime faire ça. Ça fait concept, mais comme tu dis, des fois, c'est pas nécessairement... C'est ça. Parce qu'elle est trop courte pour jouer à radio, elle est trop... Ouais, elle veut comme ça. Rien dire tout mais seul, la ben, toune. Exactement. Je pense que c'est beaucoup dans l'optique de on crée un album plus qu'une collection de chansons. Mais il aurait pu faire une intro avec ça. T'sais, dans le sens, tant qu'à faire une toune de 10 minutes, il fallait de 10 minutes et demie. Oui. Puis met ton intro qui est intégré, puis ça, moi, je pense que ça pourrait être mieux. Oui. En tout cas, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Cas, parce que... Mais non, c'est comme ça. Je pense que c'est ça. C'est dans l'optique vraiment de faire un album qui est cohérent. Le numéro de la plage. C'est la huitième piste. Parfait. In Awe Of. Donc, vous allez voir, vous allez reconnaître beaucoup l'ambiance. C'est vraiment le meilleur exemple, je pense, que je peux vous donner de post-metal. Un peu répétitif, très, très atmosphérique. La voix qui est un peu agressive, mais pas présente à 100% dans la pas pièce. Pas tout le long de la pièce. C'est ça. Puis c'est une chanson que j'ai abusé d'écouter, cette chanson-là. Là. Je l'adore. Donc, In Awe Of, l'album Vertical, The Cult of Luna. Donc, c'était Cult of Luna, Danny. Ouais, ouais, ben c'est très bon. Puis tu l'avais bien décrit, atmosphérique. Moi, je suis pas un amateur de métal, puis tout ça, là. Puis ça, j'ai pas tant de difficultés. Comme tu dis, c'est la voix, Mané, qui peut peut-être accrocher certaines personnes. Effectivement, c'est la voix qui écorche. Mais en même temps, ça a l'air vraiment comme s'il y a de quoi à dire plus que dans une toune qui est juste métal puis qui fait juste gueuler pour gueuler. Ouais, bah, bah, bah, juste satanique, ouais. On va tuer des brebis. Ouais, non, c'est pas ça. C'est ça a l'air plus pensé, puis comme tu l'as un peu dit, comme tu sais, s'il y avait une rage de vivre ou quelque chose qui le dérange. Ou un sentiment d'urgence. Un sentiment d'urgence. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup, particulièrement dans la chanson In A Of, mais beaucoup dans tout l'album, en fait. C'est comme s'il y a une situation qui n'est pas agréable, puis il faut changer ça, puis il faut faire de quoi. Ce qui n'est pas faux quand on est lucide. Non, effectivement. Et donc, Vertical, sixième album du groupe Cult of Luna. Je connais absolument pas les autres, désolé, mais c'est cet album-là que j'ai découvert du groupe, qui vaut la peine d'être écouté, comme je vous dis, si vous voulez vous initier au style. On parlait, hors d'onde, de Passing Through, qui est la chanson qui suit In A Of et qui ferme l'album, la neuvième piste, parce qu'il y a une piste Bonnie, mais moi, je trouve ça, encore une fois, de mettre une chanson Bonnie sur le même disque, moi, je trouve ça épouvantable, mais bon, c'est leur choix. Ben, surtout de nos jours, on peut le mettre sur un site internet, on peut faire rien qu'une vidéo, faire de quoi, un genre de cadeau. Un download. Moi, un download à partir. Puis si vous en avez assez, faites un deuxième disque, mais un download, moi, je trouve ça génial, puis je l'ai intégré dans la liste de chansons, si je le veux bien. Parce que... Ouais, puis tu mets un code gratuit pour ceux qui ont acheté quelque chose. Ouais, exactement. Exactement. Puis c'est toujours désagréable, le bout vide ou le bout... Tu sais, fois, il y a... Tu sais, le bout... Les chansons cachées, là. Ouais, les chansons cachées, là. Oh là là. Tu sais... Le premier qui a fait ça, c'était bien le fun. Le deuxième, hot. OK, cool. Le 3, 4, 5 millième, mané, arrêtez. C'est parce que le mané, non... Ça me dit qu'en charge, j'attendrai pas 20 minutes. Pierre Lapointe, il est terrible pour ça. Mais Lui, c'est 20 minutes de gap entre la dernière chanson et sa piste cachée, là. Mais là, c'est parce que, écoutez, là... Mais le dernier que j'ai pogné de quoi, là, c'était la gang de Loco Locas, là. Ouais. Le dernier album qui n'a pas nécessairement bien marché, mais quand même, il y a dernière pièce qui est tout seul, qui est la 14. Il y a à peu près 20 minutes, OK? Après, il y a à peu près 15-20 minutes de noise, de psychédélique, de bruit, de voix, de tribus, tout ça. Puis au dernier 3 minutes à la fin, là, t'as comme une vraie toune qui commence. Ouais, c'est ça. Quand tu veux l'entendre parce qu'elle n'est pas mauvaise, ben c'est difficile. C'est compliqué de s'y rendre. C'est compliqué de s'y rendre. Je comprends pas. Non, mais moi non plus. Ça donne quasiment le goût de savoir des outils très faciles comme sur Windows, sur Mac, pour aller couper oui. la dernière tune, la mettre sur une track, tu sais pas. Oui, parce qu'elle est fun, la tune. Puis tu veux, quand t'aimes un band, tu veux entendre l'entièreté de l'œuvre, mais t'attends pas de te payer le avancé pendant, comme tu dis, Pierre Lapointe, le 20 minutes. Ouais, c'est ça, là. En tout cas. Exactement. Bref, petit moment éditorialiste. Donc, Passing Through, qui est, ma foi, extrêmement calme. Très tranquille. Je vous ai mis d'ailleurs sur le Dîner de cons, je vous ai mis un lien de cette chanson-là, version acoustique extérieure, sans aucune amplification, rien, dans un port, parce que c'est un groupe suédois, j'ai oublié de le préciser, dans un port de Stockholm, si je me souviens bien, sous la neige. C'est incroyable. Allez voir ça. Si vous avez une chance, puis on va écouter Passing Through sur les ondes, toujours du Cult of Luna, au Dîner de cons avec Danny Janvier. Yes, merci Max. Empty. On nous laisse sur... on ferme l'album avec de quoi de très, très... comme tu dis, post-rock, là, à la limite. Là, vraiment, vraiment. Le plus ambiant. Ben, parce qu'il n'y a pas rien d'agressif. Puis même l'effet d'envoi n'est pas dérangeant. Non, c'est ça. Puis même, il chante très... Il est très posé. Il chante très bas dans celle-là. Puis à la fin, avec l'harmonie de voix qui ferme la chanson. Vraiment, là, c'est une belle découverte, Cult of Luna. Comme je vous dis, peut-être pas un album dans mon top 10. Là, ça ne sera jamais. Mais super intéressant à découvrir. Du nouveau dans ton iPod. Du nouveau dans mon iPod. Et ceci a amené, si je peux vous nommer des noms rapidement, Isis, dont j'ai présenté le groupe, le petit frère de Isis ce matin à l'Assemblage Requis, Palms, qui est plus post-rock ambiant, justement. Okay. Mais Isis, qui est comme les pionniers du post-metal, si vous allez voir Inter Arma, qui est un nouveau groupe, qui a l'impression de frapper un mur de son. À chaque fois qu'ils commencent, c'est assez hallucinant. Leur production, c'est loud, c'est lourd. Vraiment, j'ai été étonné. Il y a plein de groupes comme ça que vous pouvez aller découvrir dans le post-metal. Si jamais ça vous intéresse, c'est un très beau style. Merci beaucoup, Max Tanguay. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Oh yeah! Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Jean-Philippe, est-ce que tu reconnais notre invité, notre nouvelle retourneuse? Oui, je pense que je la reconnais. Retournasse, Marie-Laurence Audet, qu'on accueille pour sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Bonjour, bienvenue à toi. Bonjour. Ça va bien? Oui, puis vous? Très bien. Ça va. On t'a parlé pour la dernière fois, c'était en avril. Tu nous as fait quelques chroniques, Le loisir bien plus qu'un jeu. Oui. Donc, on va quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi tes aventures depuis, qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu? Oui. Wow. Donc, moi, c'est Marie-Laurence Audet.

malgré les problèmes interrelationnels. Y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. Oh yeah, le moment tant attendu! En tout cas, pour nous, animateurs. Hein? Aujourd'hui, dans notre bière de la semaine, la barrique nous offre Lisicki. Lisicki, oui, Nicho, ou on pourrait dire un mauvais jeu de mots. Ils sont acquis, c'est acquis les Nicho. Hein? Lisicki Nicho. Eh bien oui, l'an dernier, je me rappelle de vous en avoir parlé, mais c'est une belle bière de saison. C'est seulement la deuxième année que le Dieu du ciel nous brasse ça. Et puis, c'est une bière totalement particulière. Et puis, j'en ai pas rebu beaucoup, donc ça va être une belle redécouverte. J'en bois quand même assez souvent des sortes différentes que c'est pas grave d'en réessayer une petite. T'as-tu un bon souvenir? Très, très bon souvenir. Je suis même pas inquiet. Premièrement, si je vais du côté esthétique, hein, parce que c'est important pour nous, Brasserie Dieu du Sel, Lisicki Nicho, une saison noire impériale. Et c'est une bière unique qui est née d'une collaboration spéciale entre les Brasseries Dieu du Sel et la brasserie Shinga Kugen du Japon. Donc, une brasserie quand même japonaise. C'est le fun. Ouais. Genre de collaboration comme ça. Donc, cette saison est brassée dans l'esprit du Nouveau Monde et elle est d'un noir profond. Elle présente des saveurs de mocha avec une pointe d'acidité et une amertume franche. La finale est sèche, complexe et épicée. Une signature caractéristique des levures de saison. Et en japonais, Lisicki Nicho signifie tuer deux oiseaux avec une seule pierre. Une pierre deux coups. Ils ont visé dans le mille. Ils ont misé dans le mille. Total. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on va se l'ouvrir. Je vais te prêter mon débouche. Là, ça te fait mal. Là, j'allais m'arracher les mains. Là. Oh, j'ai même pas laissé le son de la bière. On était moins cérémonial que des fois, mais c'est pas grave. Ça va être tout en son honneur à cette bière. On va s'en occuper. Et puis, j'ai sorti sur la page Facebook du Dîner de con. Ça sent bon. Il est très parfumé, juste en l'ouvrant. Tu vois qu'elle est plus caractéristique là, et plus caractérielle que la 17. C'est une belle bière noire. On parle d'un noir assez profond. Un café, là. Ouais. C'est ça, on dit mocha, ça va très, très bien. Il faut aller la porter dans le verre parce qu'elle bulle. Elle a une bonne quantité de gaz. Et moi, c'est mon genre de bière. Là, Xavier, j'ai parlé de la 17 et puis j'ai dit que c'était correct. Mais bon, pas assez de caractère pour moi. Moi, ça me prend du monde. Ça me prend une fille avec plus de caractère. Une belle noire comme belle ça. Noire. Ça, c'est beau. Donc, au premier regard et premier parfum, c'est exceptionnel. Ça ne peut pas être plus noir que ça. Ben ouais. Ah, t'as déjà vu plus noir? Oui, ben aussi noir. OK. Aussi noir. Pas plus, mais aussi noir. Donc, la description qu'on nous disait sur la bouteille d'un noir profond, ben oui. Je pense qu'on est là. Et la mousse, assez bonne. La mienne, moi, j'y étais un peu moins... C'est quasiment caramel, on dirait. Oui, et puis ça ressemble à un café un peu. Mm-hmm. On pourrait avoir un café noir, ouais. Là. Oui, oui, absolument. Un espresso. Un espresso bien, bien solide, là. Donc, on s'envoie une petite gorgée, on se tait pendant quelques secondes. Première idée, qu'est-ce qui te vient à la tête? On a fait les deux, hein? Les deux, on était là. Ah, bien. Ça rappelle le café. Moi, je trouve qu'il y a une torréfaction qui rappelle le café, le mocha, comme on le disait dans le truc. Il y a quand même assez d'acidité. Ce qui est plus rare, d'habitude, des bières à 9%, l'acidité n'est pas là. Ouais. Là, elle est quand même présente, comme assez franche, comme on dit, sa description aussi. Pas de temps long en bouche, mais la fin, la finale est plus céréalière. Là. Ça goûte plus la céréale. J'allais parler d'herbe. On dirait que c'est... Oui, herbeux un peu, tout à fait. Moi, j'en vois encore parce que c'est important. Là. Ouais, goûte. Je vais me rincer un peu. Assez goûté, non? Je vais essayer de faire ma chronique après ça. 9,5, tu m'as dit. Hein? Et la température est parfaite en ce moment. Oui. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, là. Ah oui. La semaine passée, je t'en avais parlé. Oui. Je trouvais ça un petit peu chaud. Là, elle est juste Elle est pas froide ni fraîche, elle est juste... Elle est parfaite. Ouais. Moi aussi, j'avoue que comme ça, là, c'est l'idéal. Je l'ai conservé dans mon hoodies pour toi tantôt, tout en mitouflé, parce qu'on n'a pas de frigidaire. Et comme on est en arrière d'un bar, moi, au début de ces chroniques-là, j'avais dit, je vais aller demander s'ils pourraient pas en mettre au frigidaire. Mais non, ils pourraient perdre leur licence d'alcool. Ben oui, tu m'as dit ça, l'espèce de pas. Oui, ben parce que tu sais, c'est bien réglementé, l'alcool dans les bars. Et puis, il faut que chaque étiquette soit provenance de la SAC. Mais disons que t'as frappé un zélé. Non, c'est pas la première fois, je te le dis. Ah, oui. Non, c'est vraiment vrai qu'ils pourraient perdre leur licence pour une niaiserie du genre. Mais bon, vas-y. Oui. Non, c'est parce que j'allais dire, faudrait que la personne qui vient enquêter soit vraiment... Oui, tout à fait. Mais bon, il se protège, puis c'est peut être compréhensible. À moins qu'il voulait une enveloppe brune, on sait pas. Ou peut-être qu'il aurait fallu que j'en amène 3 bières, puis que j'y en laisse une. Ah, c'est ça pour la prochaine fois. Mais là, on s'écarte de notre bière qui est franchement très bonne. Je vais aller avec ratebeer.com, je vais envoyer des informations que des gens nous ont dit, et puis tu me diras si tu corrobores ou pas. C'est Frontal qui en a seulement critiqué 11, mais ça ne veut pas dire qu'il en a fait 11 qu'il n'est pas bon. Premièrement, un overall, cette bière-là, à 98 sur 100. C'est... ça dit tout. C'est bien coté. Ça dit tout. C'est bien coté. Et selon le style, 97%. Et c'est un style qui est complètement... ça ressemble à rien parce que des fois, on a des stouts, mais là, c'est une impériale. Noir. D'habitude, tu as des stouts impériales, mais là, c'est une saison noire impériale. C'est vraiment une nouvelle façon de faire qu'eux, ils ont fait. Donc, c'est un type de bière qui n'existait comme pas avant. Mais quand on voit la couleur, on se dit ça va être lourd, ça va être imbuvable, mais je suis surpris de la légèreté, malgré tout, de la bière. Ah, on pourrait en boire quand même une deux, trois. Au moins, ouais, deux, trois, un six-pack à deux, ça suffit. Oui. Mais Dieu du ciel, vendent au format de 4. Bon, c'est des 4-packs. Ben, ils sont raisonnables quand même. C'est raisonnable. c'est un peu une caractéristique du Dieu du ciel, qui sont capables de faire des bières vraiment avec du caractère, qu'on pourrait, comme tu dis, voir pesante ou quoi que ce soit. Mais non, mais quand même, ce que j'aime, c'est que c'est une bière de saison. Elle réchauffe. On sent une belle chaleur qui nous coule dans la gorge. Ça, c'est bien, bien le fun. Donc, si je vais avec Frontal qui nous dit d'un noir profond, oui, un riche collet de mousse caramel. Absolument. Pâle d'une durée moyenne, oui, tout à fait. C'est terminé. Un nez de torréfaction et de café soutenu par l'alcool et des notes citriques et herbacées. Exactement ce que tu avais dit. En bouche, c'est une riche torréfaction, mais tout en rondeur, l'attaque. Tout à fait. C'est réconfortant comme bière, là. L'acidité s'estompe peu à peu la torréfaction et se termine par une délicieuse amertume qui invite à une autre lampée. Moi, je trouve pas que j'ai tant une grosse amertume que ça à la fin. Non. Je te dis, à la fin, c'est plus céréalier, là. C'est plus... Franchement, j'adore ça. C'est très, très... Moi, c'est vraiment, Michel, mon type de bière, là. J'ai toujours des affaires noires de même que... C'est sûr que je boirais pas ça à tous les jours, puis Mais moi, c'est une par semaine, à peu près. Ah, tiens. Mais une grosse. Une 7,50. Sinon, on va aller chercher ici Alain G, qui en a quand même critiqué 832. Un liquide noir ayant une mousse brune qui se résorbe en un mince voile au-dessus de celui-ci. Un poète. Des arômes de houblon et de figues en émanent. Ah, le figue, je vais aller voir. Ouais. On va checker ça. Ça peut être mélangé avec les herbes, là, comme tu le disais. Ouais. Je sens pas nécessairement les figues, là, mais bon. C'est dur à dire. Goût tout en amertume par des houblons résineux, comme un café espresso ou encore le chocolat noir. Ah, exactement. Tout ça, ça décrit bien. Son côté velouté semble vouloir nous feutrer la bouche. Tout à fait aussi. Absolument. C'est un poète et il sait quoi. Hein? Longtemps après la fin de gorgée, justement, ça continue de goûter et c'est bon. Mais pas. Moi, je trouve vraiment pas désagréable. Non, puis c'est ce qui est dangereux, c'est qu'on sent pas l'alcool. Non, mais on sent la chaleur. Oui, mais pas l'alcool. Non, le goût d'alcool, il est pas là. Non. Mais le réconfortant puis la chaleur de la gorge est vraiment absolument là. L'alcool, justement, malgré son haut taux, ne fait son travail ou plutôt ne cherche pas à impressionner. C'est ça. Exactement. C'est bon et bien équilibré, mais ce n'est pas dans mes cordes, dit-il. Ben ça peut être correct. Hein? Au moins, il est franc. Il dit à la deuxième consommation, il a moins aimé ça. La mousse est plus dense et persistante. Je détecte plus d'arômes d'agrumes mêlés à d'autres de miel. Un peu moins. Le goût est plutôt âcre qu'amer. Ouais, peut-être. Le côté justement âcre, comme un peu du chocolat, si tu as du chocolat pur, il y a un côté âcre. Et acidulé, alcoolisé, de façon civilisée, avec des impressions sucrées, lui il dit ça, l'arrière-goût est âcre. Moi je dirais oui, plus arrière-goût âcre que amer. Ah, oui. Sinon, moi j'ai le goût d'aller, j'aime ça aller voir ce que les gens en pensent. On va aller voir sur la page 2. On a-tu ici? Bon, ça me tente pas, on y va avec là. Ça me tente pas de traduire à mesure. Tu connaissais ça, la brasserie Dieu du ciel? Toi? Oui, oui, j'y étais souvent. Ah oui, c'est une brasserie à Montréal, ça? Brasserie à Montréal et à Saint-Eustache aussi, okay. Sur la rue Laurier à Montréal. Puis ils font plusieurs sortes de bières. Là-bas, ils ont toujours live, là, sur place, ils ont au moins une vingtaine de bières différentes. Es-tu sérieux? Qu'eux autres produisent? C'est tout qu'eux produisent. Ouais. Wow! Oui, le Dieu du ciel, moi, je te dirais... c'est dans mon top 3 des meilleures microbrasseries au Québec avec la microbrasserie de Charlevoix, le Dieu du ciel et les Trois Mousquetaires. Moi, pour moi, pour ma part, c'est pas mal les meilleurs. Il y a du monde qui irait dire le Trou du Diable par Chauvinis. Et... ils font-tu, y a-tu plusieurs bières de saison qui tournent? Oui, mais ils ont leur plus grande majorité, c'est des bières qui sont là l'année, mais okay. Ils ont toujours des bières de saison. La bière d'hiver, là, comment elle s'appelle? C'est une dame blanche avec un genre de panache de chevreuil dessus. Extraordinaire. Il y a des bières aussi au sucre d'orge, genre un sucre d'orge, c'est à 12% ou presque. C'est toutes des bières bien caractérisées. Ils ont des petites bières là, à 5-6%, mais moi, j'aime ça quand ça a du caractère. J'aime mieux pas en boire. C'est pour ça qu'à la base, j'aimais mieux boire du vin dans ma vie. C'est que j'aime l'ivresse quand même. Tu sais, je bois pas juste parce que c'est bon. J'aime l'ivresse. Moi qui pensais à un épicurien pur. Un épicurien pur se contente d'un grain de gazon. Il trouve ça très bon. Il trouve la saveur herbacée extraordinaire. Sinon, on s'en va-t-il une petite dernière, peut-être? C'est Garnotting Pete, qu'il s'appelle, sur son site. 637 bières de critiquées à la date. Il nous dit une bière opaque, de couleur mélasse et coiffée d'un fin col beige marquant le verre d'une solide dentelle compacte. Quand même, oui, si on le fait tourner, la dentelle reste. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Oups, un petit rot qui voulait venir. Donc, des arômes torréfiés et boisés de grains brûlés, d'espresso, de litchi. J'ai plus de litchi, moi, que de côté figue, personnellement. Petit côté sucré, mais vraiment pas présent. Là. Mais on peut peut-être le sentir. Un fort arôme d'alcool, non, moi, je trouve pas. Il n'y a pas un arôme d'alcool. Non, moi, je trouve pas. Lui, il dit très amer avec une légère pointe sucrée. Non, pas très amer. Amer, il y a une amertume, mais pas très amer. Pointe sucrée, c'est ce que je disais, oui. Extrêmement robuste, elle est crémeuse, très effervescente, oui. Elle se termine sur une déferlante d'amertume. Non, vraiment pas. Il dit, c'est l'antipode d'une bière de soif. Moi, je pourrais pas dire ça. Non, parce que je pourrais en boire quelques-unes. C'est ça que je te dis. Puis tu pourrais facilement... caler quand elle est froide, une grande gorgée, puis elle serait pas désagréable. Ça serait pas désagréable. Mais pas. Moi, je serais curieux de savoir d'où viennent les influences japonaises, puis d'où viennent les influences québécoises. OK, ben peut-être que sur le site du Dieu du ciel, tu aurais peut-être un peu plus d'informations. J'ai déjà mis, moi, la description là, de tantôt, qui est sur la bouteille, mais peut-être de voir ouais, d'où vient quoi, parce que ça doit être une histoire de... un, c'est le houblon. L'autre, c'est plus le malt. L'autre, c'est... Ah, ça serait au niveau plus des... au niveau des matières employées. Oui, c'est des matières employées, ouais, d'après moi, qui sont importées okay. Du Japon, d'après moi. C'est plus là. La conception était toute faite ici, probablement. La conception a été faite à Montréal. J'en suis sûr à 99%. Sauf que oui, on a peut-être utilisé des houblons ou des malts de là-bas ou une technique quelconque. Il y a quelqu'un qui est venu ici, parce que Montréal, on le sait, c'est quand même une métropole, et c'est facile qu'il y ait un Japonais qui trippe sur une bière, et puis dans les mondiales de bière, dans les genres de festivals, puis les concours, mais le monde, ils se parlent tous, hein, tout le monde se parle, et puis c'est ce qui fait un bon... une scène qui est vivante, je voudrais dire. C'est pareil comme la gang du Dieu du ciel sont très, très souvent associés avec le Trou du Diable aussi. Mm-hmm. Quand tu vas au Trou du Diable, il y a... En tout cas, les dernières fois que je suis allé, il y avait tout le temps au moins deux ou trois produits qui venaient du Dieu du ciel. Et au Dieu du ciel, on avait tout le temps deux ou trois produits qui venaient du Trou du Diable. Fait qu'ils ont peut-être fait venir du houblon radioactif. Ça se pourrait. On ne sait jamais. Donc, c'est une très belle découverte, une redécouverte pour ma part. Une belle découverte pour Michel, je pense. Santé. Ouais, moi, j'adore ça. La Isiki Nicho.

ou c'est pas non plus une hallucination parce que c'est possible de prendre des mirages en photo. Ah! Fait que je trouvais ça intéressant. Vrai. C'est pas comme un fantôme, là. Non. Non. Mais ça peut donner des assez étranges de photos, hein? Ouais. Des mirages. Oui, je vais aller voir ça. Quand même. Ouais. Donc, voilà. Hey, intéressant, comme toujours. Mm-hmm. La chronique sur la lettre M, première partie. Donc, deuxième partie sur le M, ça va être l'autre A, là, finalement. Dans le fond, M, c'est deux. Ah! Les deux pentes du M. Les deux moitiés. Monts et vallées. Un autre Donc, ce sera dans deux semaines, mercredi à 8h. Oui. Merci beaucoup, Véronique Mire. Ça me fait plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Il y en a une ici qui est très, très, comment je pourrais dire, marquante. La photo, c'était sur la presse insolite. C'est torture et transe au festival végétarien de Phuket. Marcher sur des charbons ardents ou passer un lot de sabre à travers la joue n'est pas le lot quotidien d'un végétarien classique. Mais pour les participants d'un... Ah, c'est pas en Inde, c'est en Thaïlande. Donc, pour un célèbre festival thaïlandais, eh bien, c'est le comble de la dévotion. L'image qu'on voit, je vous l'explique rapidement, c'est un jeune homme avec deux immenses revolvers, OK, et qui passe à travers ses joues comme ça. Il se passe deux revolvers à travers les joues et il semble bien heureux. C'est pour ça qu'on appelle le titre « Torture et trans » au festival végétarien de Phuket. D'habitude, les végétariens, on vaut pas de sang, là. Hein? En tout cas, ils sont pas assez forts. Non, c'est le festival végétarien donc de Phuket, l'île touristique du sud du royaume, qui a commencé jeudi et va offrir, donc aujourd'hui, et va offrir pendant 9 jours des défilés spectaculaires et sanglants de dévots taoïstes exhibant les tortures qu'ils s'infligent pour se purifier. Bonne idée. Des milliers de personnes, la plupart vêtues de blanc, assistaient à cette procession d'adeptes en transe. On nous dit il n'y a pas de trucage, c'est réel, ce sont de vrais corps. C'est pas des trucages de cinéma, là. C'est pour ça que c'est un peu frappant. Je vous dis, l'image que j'ai mise, là, ça décoiffe, comme on le dit. Ça déjoue. Si vous verriez le truc. Là. Donc, la croyance est comme qu'un homme peut marcher sur le feu sans être brûlé. OK. Les adeptes, principalement des hommes, arrêtent de manger de la viande pendant plusieurs mois avant le festival qui se termine donc dimanche prochain. C'est peut-être pour ça, c'est qu'ils ont hâte, là, ils capotent puis ils seraient prêts à presque se manger eux-mêmes. Grâce au pouvoir des esprits qui, selon eux, les possèdent, eh bien, ils peuvent percer leur chair d'instruments les plus divers. De simples pics aux canons d'armes automatiques en passant par des pieds de parasols ou même des morceaux de peau d'échappement. Rien de moins... Pourquoi pas se mettre un muffler dans le bras, tu sais, ou dans la jambe ou... Je comprends pas. Le but est de se débarrasser des esprits maléfiques et ainsi porter chance aux communautés locales. Même les enfants peuvent regarder, assure Chan Chai, mais ils peuvent trouver ça effrayant et se demander pourquoi les médiums s'infligent autant de tortures. Ce festival végétarien qui rend hommage aux dieux chinois aurait eu lieu pour la première fois en 1825 à Phuket et accueille une importante communauté d'origine chinoise, donc cette île thaïlandaise. Pendant toutes les célébrations, les participants doivent suivre un régime végétarien strict et éviter tout vice. Les femmes enceintes considérées comme impures n'ont pas le droit d'assister au rituel. La femme enceinte, c'est une impure. C'est n'importe quoi. Selon TAT, le festival... Je ne sais pas c'est quoi TAT, là, TAT, ça doit être... Je ne sais pas. Selon TAT, le festival attire chaque année quelques 100 000 visiteurs pour la moitié des Thaïlandais de provinces voisines, 40 % des Asiatiques et 10 % de pays des plus lointains comme la Russie ou l'Australie ou encore des pays américains. Phuket a le festival végétarien le plus important du pays, se réjouit Chan Chai, et soulignant que ses visiteurs dépensent quelques 600 millions de baht. Donc, qui équivaut à 20 millions de dollars lors de chaque festivité à chaque année. Quand même. Mais bon, il y a peut-être d'autres activités qui pourraient peut-être être un peu moins violentes. Sinon, on va se transporter en plein milieu de la rue. Eh bien oui, on se rappelle, un an et demi à peu près, on avait eu plein de photos. Informan en avait parlé aussi, des poteaux qui étaient électriques ou des poteaux de Bell Canada qui étaient dans le plein milieu de la rue. Eh bien, 20 mois après avoir eu une plainte au milieu de la rue, c'est d'une ville de Gatineau, plus de 20 mois après que la ville lui a officiellement demandé leur retrait à Bell Canada et Hydro-Québec, eh bien, ils sont toujours là. Personne ne semble en mesure d'expliquer pourquoi la procédure pour retirer de l'avenue du Cheval Blanc à l'angle du boulevard Saint-René. Personne ne se demande pourquoi c'est aussi long, enlever deux poteaux. Hein? Donc, l'automne dernier, hein, ça fait un bon bout, alors que le dossier avançait à pas de tortue, la ville a décidé d'asphalter le tronçon à la faveur d'un accotement plus large qui serait éventuellement dédié aux piétons. À l'heure actuelle, la voie en direction du sud sur l'avenue du Cheval Blanc doit empiéter sur l'espace réservé aux autobus afin de permettre aux automobilistes de contourner les deux poteaux électriques dans le milieu de la rue. Le conseiller Yvon Boucher, lui, déplore cette situation qui frise le ridicule. Tout à fait, hein? Parce que partout sur la planète, on voit ces images-là. Les gens trouvent ça assez drôle. Ce n'est pas tant que c'est dangereux, mais c'est un inconvénient qui fait en sorte qu'on a l'air fou. Tout à fait. C'est ridicule, mais ce n'est pas la faute de la ville. Ce n'est pas nous qui sommes à blâmer, dit-il. Personne n'a bougé et la ville n'a pas le droit de les enlever. Les déplacements des deux poteaux est prévu depuis longtemps. La ville a envoyé sa première demande à Hydro-Québec et Bell Canada en février 2012. Quand même, le service de communication affirme que la ville maintient la pression pour que ses travaux soient exécutés et 20 mois plus tard, rien n'a bouché, même si la ville considère ce délai comme déraisonnable. Je sais pas. Et ça doit être pratique aussi pour ceux qui passent la charrue l'hiver, là, des poteaux comme ça dans le milieu de la rue. Donc, une situation similaire en Estrie a fait le tour du pays l'automne dernier après qu'un poteau ait été oublié sur une route, la route 251 près de Sherbrooke. En un peu plus de 48 heures, une imposante équipe de Bell Canada et d'Hydro Québec et de Câble Action ont retiré le poteau et dégagé la chaussée et remblayé le trou. Là, ben, on se donne la valse du blâme parce qu'à Gatineau, les parties impliquées se renvoient la balle. Le retrait du poteau appartient à Bell et nos travaux pour transférer les fils ont été exécutés à la fin du mois de septembre, affirme le porte-parole d'Hydro-Québec, qui est Sophie Lamoureux. La société d'État s'est défendue d'être responsable du retard puisque les nouveaux poteaux n'ont été installés que le 13 septembre dernier. Responsable des travaux chez Bell n'a pas été en mesure d'expliquer le délai dans un courriel au droit. L'entreprise a jeté le blâme sur les autres câbleaux distributeurs qui n'ont pas encore retiré leurs fils des poteaux qui doivent être déplacés. Chez Vidéotron, même si on admet avoir toujours des fils sur les poteaux, on indique que ce type de dossier, qui peut sembler simple, doit faire l'objet d'un processus complexe dans lequel s'est inscrit la prise en compte de nombreux éléments d'ordre technique ainsi que financier. Aucune entreprise ne semble en mesure de prédire quand la situation va être réglée, ce qui est loin de surprendre le conseiller Yvon Boucher. Je le cite toujours, il dit « On avait un poteau comme ça il y a quelques années près de la montée de Dalton et du boulevard Saint-René, ils ont mis 5 ans avant de l'enlever. La ville de Gatineau attend que les poteaux soient retirés pour terminer l'intersection et à terme, les autobus auront de l'espace nécessaire pour se ranger de façon sécuritaire en direction sud. Il y aura 2 voies d'accès direction nord. Ben oui, mais comme ça qu'on en parle, si vous aviez retiré le poteau, on ne parlerait pas de la ville de Gatineau aujourd'hui. Hein? Fait que une chance qui était là. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Sur ce, eh bien, comme on a débuté en musique avec la gang de Mimi Van Der Glo, pourquoi pas continuer avec un autre trifle Fluvien, maintenant Montréalais d'adoption. Je parle de Fred Pellerin, et non, pas Fred Pellerin le conteur. Fred Pellerin est mon ami des Call Me Rico, musicien émérite, vraiment un talentueux. Je ne sais pas porter le nom Fred Pellerin, ça doit être payant, je ne sais pas. Appelez donc votre enfant comme ça. Je pense qu'il va réussir, en tout cas, en art. On s'en va avec la pièce Your Way. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas écouté des Call Me Rico. On va écouter ça, justement. Et ben, après, là, bientôt, on t'avait de boire une petite bière. Fait que restez là, puis allez-vous-en donc, vous en cherchez une. Hein? Ça serait une bonne idée. Vas-y, vas-y. Your Way de notre ami Fred Pellerin des Call Me Rico. Excellent, Ben. Et il a vraiment tout fait analogue, enregistré sur de la bobine. Il n'y a eu aucun traitement par ordinateur là-dessus. Et ça s'entend. Ça sonne le real, le analogue. De quoi on va parler là tout de suite? Ah tiens, tantôt, c'était ma première nouvelle. C'est chez British Airways. Eh bien, une vidéo érotique et sexy de deux hôtesses qui font scandale. Donc, c'est une vidéo publiée sur YouTube et relayée par de nombreux médias anglo-saxons qui nous montrent deux femmes portant des uniformes d'hôtesse de la compagnie aérienne British Airways qui se donnent un petit tête-à-tête osé dans une baignoire d'une chambre d'hôtel pour ce qui ressemble à s'y méprendre à une sorte de clip érotique amateur. La séquence a fait le tour de la toile ces derniers jours au point d'inquiéter les dirigeants du groupe British Airways. Au début de ce clip de 8 minutes, eh bien, les deux hôtesses encore habillées s'amusent à se jeter du savon, à s'asperger d'eau, et l'une d'elles se penche sur la baignoire, tandis que sa collègue entreprend visiblement de lui laver les cheveux. Ah, la gentille coquine! Mais les éclaboussures donc forcent finalement le tandem à entrer dans la baignoire sur un fond de musique assez évocateur. Et après avoir lavé consciencieusement les cheveux ainsi que les vêtements de son acolyte, l'hôtesse au pommeau de douche déshabille cette dernière qui, complètement détrempée, finit la séquence en petite lingerie. Donc, près de 150 000 internautes ont déjà visionné ces images, et British Air Airways, qui a récemment appris leur existence, semble être bien embarrassé. Ce mardi, la compagnie a affirmé avoir ouvert une enquête afin de déterminer avec certitude si les deux femmes sont bel et bien employées de la compagnie. « Nous sommes au courant de l'existence de cette vidéo », a déclaré un porte-parole du groupe. Et l'enquête pour établir leur identité continue. Et des réponses pourraient arriver très rapidement. D'après le journal Direct Matin, qui s'appuie sur les trouvailles d'un internaute, le décor de la scène, photo à l'appui, aurait déjà servi pour le tournage d'autres vidéos de charme, et les deux hôtesses de chez British Airways seraient en fait des actrices X. L'une s'appellerait d'ailleurs Danny Hardwood. Donc, bien inutile, mais quand même bien intéressant. Et puis, le rêve de chaque garçon à l'époque, quand on lisait des BD, autant des Archie que des Pif Gadget ou autres petite revue avec des BD dedans, c'était d'acheter la fameuse paire de lunettes à rayon X qu'on voyait à travers les vêtements. Il y avait toujours une annonce à 1,99$. On nous dit que c'est une paire de lunettes qui permet de voir à travers les vêtements. Est-ce que c'est une publicité? Est-ce que c'est quoi? C'est un fake? On va aller voir. Vous en avez rêvé? La voici, la paire de lunettes qui permet de voir à travers les vêtements des personnes que vous croisez dans la rue ou que vous côtoyez. Donc, the best glasses in the world. C'est la meilleure paire de lunettes du monde, qui est stipulée au début de cette vidéo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que si ces lunettes existaient réellement, les fabricants seraient rapidement en rupture de stock. J'en veux une paire. Car bien évidemment, cette technologie n'a pas encore été mise au point. Enfin, d'après ce qu'on nous dit, qui en sait, peut-être que des chercheurs se promènent dans la rue avec des prototypes de cette paire de lunettes sans nous divulguer. Toujours est-il qu'il n'est en aucun cas disponible sur le marché, alors qu'on préfère nous vendre du rêve avec cette vidéo assez loufoque et bien sûr sexy. Par contre, les gens de comment qu'ils appellent ça, aux douanes là, quand les scanners qui nous scannent avant de prendre l'avion, eh bien ça, on voit à travers les vêtements maintenant. Vraiment, j'ai vu des images sur Internet et ça pourrait exister. C'est sûr que c'est une grosse affaire, là, c'est une grosse patente, mais bon, un jour peut-être. Donc le principe de cette vidéo grandement partagée sur les réseaux sociaux est simple. Un jeune homme reçoit un colis et à l'intérieur se trouve la fameuse paire de lunettes. À première vue, il s'agit de lunettes soleil, mais lorsqu'il les pose sur son nez, sa vision des choses en est tout autre. Première impression avec la livreuse, blonde coiffée d'une casquette, vêtue d'un pantalon et d'un haut blanc, cette dernière est rapidement déshabillée par les lunettes. Et toutes les scènes qui suivent sont du même acabit. Donc, des jeunes demoiselles en string se promènent dans la rue, dans un parc, tout en sous-vêtements. Et celle-ci nous dévoile des silhouettes de rêve. Ah, que ça fait du bien, l'automne, ça réchauffe. Tantôt en cours, tantôt en boîte de nuit, le jeune homme peut déshabiller tout le monde. Voire même cette grand-mère dans l'ascenseur avec cet énorme tatouage de tête de mort dans le dos. Ça, c'est très drôle. Vous l'aurez compris, cette vidéo a été réalisée pour promouvoir les services d'un site internet russe qui s'appelle El Contrabando. Et ce site est spécialisé dans les accessoires et les vêtements ciblant principalement les jeunes communautés. Culture Street et esthétique des grandes villes est stipulée sur le site internet. Elle a été créée en 2009 à Saint-Pétersbourg et avec au départ une seule boutique en ligne. El Contrabando s'est aujourd'hui largement développé puisque des magasins sont ouverts dans plus de 30 villes russes. Quand même, Bien intéressant, bien intéressant. Et une autre petite nouvelle où on va aller, c'est très léger, mais on va parler de la demoiselle quand même. C'était notre petit segment comme ça. C'est sur la route, on apprend quelque chose qu'on ne se doutait pas trop. On apprend que les femmes envoient plus de SMS au volant que les hommes. Ils parlent plus. Mais pourtant, je parle beaucoup, moi. Lorsqu'au volant, les femmes se méfient plus que les hommes de l'alcool, de la fatigue ou de la vitesse, mais moins des SMS. Selon un sondage, c'est ce que ça nous dit. Selon cette étude, donc, effectuée du 21 janvier au 2 février 2013, auprès de 1065 personnes, les femmes sont plus accros aux SMS. 21% d'entre elles disent en consulter ou en envoyer au volant contre 15%. C'est quand même une bonne différence. En revanche, les femmes sont davantage concernées par le danger lié à l'alcool au volant. OK, donc ils font plus attention, ils sont plus concernés. Conduire après avoir bu 2 verres d'alcool est jugé dangereux par plus de 80% des femmes interrogées contre 74% des hommes. Si 18% des conductrices disent prendre le volant après avoir bu plus de 2 verres d'alcool, 2 fois plus d'hommes, 34 sont dans le même cas. Les femmes sont aussi moins nombreuses à prendre le volant ou à continuer à conduire alors qu'elles se sentent bien fatiguées. 43% reconnaissent qu'elles le font, tandis que 51% des hommes font ça aussi. Elles sont aussi un peu moins nombreuses, 42% avoué à rouler à 65 km/h dans ville, alors que les hommes, eux, sont 49 à l'avouer. Néanmoins, les femmes de 25 à 34 ans sont pratiquement aussi nombreuses, à 58% à rouler à plus de 65 km en ville que les hommes, qui, eux, est à 60%, surtout qu'elles sont moins nombreuses à voir le danger qu'il y a à slalomer entre les fils. Ah bon? Eux, ils voient pas le danger. OK. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.